Et son voix 3 litrons de côte de Roussillon. Habitué à coucher sous les ponts, tout le monde prend Bébé pour un con. Mais avant de se faire licencier comme vous, il allait travailler. Bébé Bernard n'a plus le choix, il doit maintenant bouffer du chat et boire de la vodka pour pouvoir se vivre froid. Thank you.